Alors, moi, je vais vous parler de livres illustrés, parce que s'il y a de plus en plus de travaux qui traitent de ce musée de l'histoire de France, il y en a en fait très, très peu qui s'intéressent à toute cette production éditoriale qui est apparue dans le sillage de l'ouverture du musée de l'histoire de France de Versailles, alors même que... À cette époque-là, le musée est fréquemment comparé à un livre. En fait, le livre peut même être considéré comme le modèle d'inspiration du musée de Versailles. Donc, ce château, ce musée, ont suscité une importante littérature qu'on peut classer en trois catégories. Nous avons d'abord les catalogues illustrés. Le plus important, évidemment, c'est celui de Charles Gavard, les galeries historiques du palais de Versailles, publié de 1837 à 1844 et qui a été édité sous plusieurs formats, je vais vous en parler. On a aussi des ouvrages pédagogiques qui, en fait, utilisent les collections du musée pour développer autour de l'histoire de France. Et dernière catégorie dont je vais vous parler aussi, ce sont les itinéraires de voyage. Et c'est en fait là toute une littérature de mouvance romantique qui fait du musée le point d'orgue d'une promenade, et d'une promenade de Paris à Versailles, mais plus largement d'une promenade dans le temps. Je vais vous parler de ça. On trouve dans cette catégorie-là ce que je vais explorer donc en deuxième partie, l'ouvrage d'Alexandre de Laborde, qui s'appelle « Versailles ancien et moderne ». On trouve aussi un livre de Jules Janin, comme il a été très, très prolifique. Il a aussi écrit donc, un « Versailles et son musée historique » qui est à la grande gloire de la monarchie de Juillet. Donc, je vais me concentrer sur ce catalogue de Gavard et d'Alexandre de Laborde pour finalement poser... cette question, comment les auteurs de ces livres s'approprient le propos, le format du musée, les œuvres aussi du musée d'histoire de France et pourquoi, à quelle fin? Alors, tout d'abord, ce gros catalogue de Gavard, les galeries historiques de Versailles, c'est un ouvrage, c'est une entreprise qui a été commissionnée par l'État, par Louis-Philippe, et donc soutenue financièrement, notamment par l'État, qui compte 13 volumes et qui permet donc à Charles Gavard de travailler pendant plusieurs années autour de cette entreprise. Il obtient en fait l'exclusivité de la reproduction des œuvres du musée historique, ce qui n'est pas sans soulever un certain nombre de jalousies, évidemment. Il a son propre atelier dans l'aile des ministres, comme Horace Vernet, par exemple. Louis-Philippe, en fait, à travers cette publication, essaye de, ou espère du moins, accélérer la diffusion des collections auprès du public. Donc là, on est dans la continuité de la précédente communication autour de cette question, comment est-ce que concrètement le musée peut participer à l'élaboration d'une identité nationale? Et ce livre, ce catalogue, peut-être, sûrement, a participé à cette construction-là, à cette diffusion-là. Donc Louis-Philippe espère accélérer cette diffusion et puis il espère aussi s'inscrire dans une certaine modernité qui est symbolisée par les techniques, notamment de gravure, utilisées dans ce catalogue. Puisque Gavard est... je suis assez contente, mon gif fonctionne. Gavard est l'inventeur du diagraphe, qui est un instrument qui permet de reporter plus facilement une œuvre, une vue sur le papier. Et il perfectionne aussi le pantographe, donc que vous voyez à gauche, qui permet de reproduire un motif en changeant son échelle. Donc, ce qui est aussi extrêmement pratique. Je reviendrai un peu plus loin sur toutes les critiques que Gavard s'est attirées en utilisant ce type d'instrument. Gavard, mais évidemment un grand nombre d'autres graveurs, dessinateurs, puisqu'il n'est pas tout seul pour produire cet ensemble monumental de gravures. Tous les dessinateurs utilisent ce diagraphe et ce pantographe pour des raisons d'efficacité. Et c'est une publication qui s'insère dans un contexte particulièrement riche, puisque la famille des Orléans est très friande de ce type de catalogue, de ce type de publication, de ces collections. Cette entreprise de publication, elle coûte beaucoup d'argent, elle coûte plus de 2 millions de francs, et elle est pensée comme une réplique et comme un prolongement sur papier de ce musée. D'ailleurs, en témoigne l'utilisation du mot « galerie » dans le titre, qui à lui seul mériterait une étude. Gavard essaye de rester au plus près du dispositif muséal qu'il essaye de reproduire. Donc, on retrouve notamment des plans, des vues des intérieurs, des plafonds du château dans le premier volume. On a une image imprimée qui, en fait, cherche à immerger le spectateur dans le parcours de visite, dans un environnement qui est aussi à la fois palatial et muséal, puisque le musée est indissociable du lieu. Il existe dans et par le château de Versailles. Et le château en lui-même est la pièce maîtresse, en fait, du musée de l'histoire de France, en tant que gigantesque témoignage du passé à l'intérieur duquel on peut entrer. Et tous ces ouvrages qui paraissent sur le musée et sur Versailles ne manquent pas de souligner cette mise en abîme historique, voire se construisent entièrement sur elle. Alors cet ouvrage, et c'est là un élément vraiment très intéressant, cet ouvrage est édité en 4 formats différents qui garantissent sa visibilité auprès de toutes sortes de publics. La plus prestigieuse, c'est donc celle que je vous montre là, hein, elle est publiée en grand in-folio, donc c'est un ouvrage très massif, sur papier de Chine, avec beaucoup d'illustrations. L'ensemble de cette publication coûte 3000 francs, ce qui est considérable. Et évidemment, c'est une publication qui est dédiée à rester en exposition, en fait. L'édition destinée à un public plus modeste, elle coûte 1 franc la livraison et elle n'a quasiment pas d'illustration. Donc on a une distinction des formats qui opère une hiérarchisation des publications qui sont destinées à des classes sociales différentes. Et cette distinction, en fait, reflète celle qui est constamment opérée au Musée de l'Histoire de France au fil des salles. La salle de 1830 est dédiée à la bourgeoisie, celle des croisades est dédiée à la noblesse française, etc. Donc si le musée est censé s'adresser à toute la nation française, en réalité, la muséographie différencie les publics et s'adapte en fonction de leur origine sociale. Et c'est exactement la même chose avec cette publication qui discrimine avec une certaine sécheresse l'électorat par le prix, par les choix éditoriaux, hein, le type de papier, les illustrations ou non, la variété des illustrations, le format. La hiérarchisation s'opère également au niveau de l'esthétique des gravures, puisqu'on a des gravures qui sont soit de très grande qualité comme celle-ci, soit des gravures assez schématiques comme ce qu'on peut trouver ici. Là, on a une gravure au trait. Je vous montre rapidement là des gravures sur bois qui sont aussi insérées dans le corps du texte. Ce qui m'amène à parler de cette controverse autour de ce catalogue illustré, qui n'a pas été seulement vu comme un outil de prestige, parce que c'est un outil et c'est un objet de prestige, mais aussi comme le reflet, pour les contempteurs du musée, de la pauvreté artistique du musée. Le diagraphe a soulevé notamment des critiques, puisqu'il apparaît dans un contexte d'émergence de nouvelles techniques de reproduction mécanisées des images, de l'art. Or, le diagraphe est un instrument mécanique de reproduction du réel et il permet un gain de temps, il permet aussi un gain d'argent. Et il permet, troisièmement, à des artistes débutants de reproduire des œuvres. Donc, En fait, il ne requiert pas de savoir parfaitement maîtriser l'art du dessin. Et les rapports de l'Académie des Beaux-Arts, par exemple, concluent que les images produites avec le diagraphe, ce que vous voyez donc là, ne sont pas des œuvres d'art. Elles ne peuvent pas être considérées comme des œuvres d'art. Ce sont uniquement des copies mécaniques qui n'ont pas de vie, en réalité. Donc, ce catalogue confirme pour certains l'idée selon laquelle les œuvres, surtout celles commandées, évidemment, pour le musée, sont de mauvaise qualité, elles n'ont pas de valeur artistique. Et là, on retrouve ce fameux Courtois qu'on a déjà croisé dans une communication précédente, avec sa langue assassine, qui écrit « Ce commentaire de la gravure seule indique le véritable amateur de Carrefour, toujours empressé d'attacher à chaque toile son estampe, bien convaincu qu'elle prouve au plus incrédule la bonté et surtout l'originalité du tableau. Il est bien reconnu qu'on ne grave que les chefs-d'œuvre et surtout des originaux. Versailles en est une preuve nouvelle. » Donc là, voilà, on a quelqu'un qui considère que tout cet ensemble de reproductions mécanisées témoigne de l'absence de qualité des œuvres à Versailles. Alors que d'autres se réjouissent, dont Théophile Gautier, qui lui écrit « Voir ces tableaux, c'est voir les objets mêmes », ce qui est vraiment une phrase que je trouve très intéressante. « Et ceux qui ne peuvent aller à Versailles, les provinciaux et les étrangers, s'en consoleront en feuilletant les pages de ce magnifique recueil destiné à un succès européen. » Succès européen qui est le cas, puisque dans les multiples souscripteurs pour cette entreprise de publication, il y a des têtes couronnées européennes. Donc, catalogue participe à la valorisation et à la diffusion de ces collections. Et même s'il s'autorise quelques légères fantaisies iconographiques, il reste vraiment dans le prolongement du musée comme une entreprise pédagogique, en fait. Une entreprise qui cherche à apprendre, à enseigner au public ce qu'est l'histoire de France, et davantage qu'à divertir. Ce qui est le divertissement, la pédagogie, mais surtout le divertissement, là, l'optique d'Alexandre Delaborde, au contraire, qui, lui, construit tout un itinéraire entre Paris et Versailles, type d'ouvrage qui vogue, évidemment, sur la nouveauté du musée, sur l'originalité que constitue ce musée, sur la réhabilitation de Versailles, et puis sur la fascination que suscite les anciens fastes monarchiques qui ont été abolis sous la Révolution, mais qu'en fait la monarchie de Juillet perpétue quand même assez. Ce livre de Laborde est édité par Gavard lui-même en 1841. C'est un guide géographique, c'est un guide iconographique et historique qui fait du musée donc le point d'arrivée du voyage, et qui en fait prend le visiteur par la main sur un mode narratif léger, alors assez prescriptif, différent des guides de voyage qui se développent à ce moment-là, hein, puisqu'évidemment on est dans toute cette mouvance de développement des guides de voyage. Mais Laborde en fait cherche à trancher, comme Jeannin d'ailleurs, cherche à trancher par sa légèreté de ton avec les ouvrages historiques érudits et avec notamment ce qu'a fait Gavard, pour toucher le plus large public possible, encore une fois. Le texte et les images considèrent tous les espaces que le visiteur est susceptible de voir, et les œuvres et l'architecture s'inscrivent, tout cet ensemble de textes et d'images s'inscrit en fait dans un temps long qui embrasse à la fois le passé et le présent du château. En fait, Laborde, comme tous les auteurs de ses guides sur Versailles, sur le château et sur le musée de Versailles, procède à une reconstruction de papier, en fait, par les mots et par les images. Il essaye de ressusciter l'ancien Versailles de Louis XIV et d'établir une continuité rhétorique avec le nouveau Versailles de Louis-Philippe. Et on va le voir aussi, il essaye de valoriser le régime et sa politique. Ce sont souvent des ouvrages qui sont à la gloire de cette entreprise. Alors Laborde est un écrivain, un amateur d'art, c'est un haut fonctionnaire de l'État, c'est aussi un des intimes de Louis-Philippe, et il est exemplaire dans sa démarche intellectuelle du changement de paradigme qui s'opère à l'époque. Dans le milieu de l'érudition historique, ces ouvrages, en fait, essayent de mobiliser davantage de rigueur méthodologique et de témoigner plus d'intérêt aussi pour ses origines nationales, en délaissant une approche universaliste des Lumières. Et comme l'a écrit Gérard Sabatier, son ouvrage sur Versailles est un mémorial, c'est un travail de connaisseur, désireux de perpétuer le souvenir de ce qu'a été Versailles et de le mettre en perspective avec ce qu'il est devenu. Et c'est aussi de manière un peu surprenante, en fait, quand on lit le livre, c'est aussi un travail de critique d'art, puisqu'il a deux chapitres sur la peinture historique et sur la sculpture française. Donc, il fait ce qu'aucun autre auteur ne fait, c'est-à-dire qu'il replace la production du musée dans le cadre plus large de la production de l'école française, de toute la production artistique française de l'époque. Donc en fait, il analyse cette nouvelle vision de l'histoire qui est portée au musée de l'histoire de France, nouvelle vision de l'histoire qui a d'abord été mise en place par les peintres troubadours dans les années 1800 et ensuite par notamment les artistes romantiques. Alors, la spécificité de l'ouvrage de Laborde réside dans la liberté de son dialogue avec le château, avec le musée, en tant que motif plastique et esthétique, et en tant que matière à penser, mais aussi matière à rêver, ce qui est vraiment original, là, propre à Laborde. Donc, il offre une entrée nouvelle dans le musée par l'image et par le texte. Le lecteur est invité à chevaucher vers le musée ici, en voiture à cheval ou à cheval par exemple. Il est invité aussi à filer en train par le chemin de fer qui est mis en place à cette époque-là. Il parcourt aussi les forêts d'Île-de-France avec les courtisans. On a toute une esthétique du parcours, on a une parcourabilité de ces images. Le moins de chemin, en fait, chez Laborde, permet le voyage, et permet le voyage géographique, mais aussi historique. Et on a une superposition constante du présent et du passé qui permet au lecteur de voyager, en fait. La route a un pouvoir de transformation, et elle est elle-même une longue frise chronologique que le lecteur va parcourir à rebours et complètement dans le désordre, parce qu'on fait tout le temps des allers-retours entre des périodes historiques différentes. Donc Laborde assimile la route, au récit de l'histoire qui est déroulé au long des pages, et aussi au récit de l'histoire qui est présenté à Versailles. Le long des Cimaises, on a un récit de l'histoire qui se construit. Donc, tous ces arrêts touristiques, en fait, qu'on pourrait qualifier de touristiques, que fait Laborde, sont autant d'arrêts dans l'histoire de France. Termine sur cette image, puisqu'on a aussi des vues encadrées des salles, comme on voit ici, donc, la salle de Louis XV et des reproductions d'œuvres qui, en fait, vont flotter dans la page et qui vont envahir même le texte. Regardez, on a trois lignes de texte et au final, l'image envahie mange tout ce texte. Et ces représentations de salles permettent une mise en situation du visiteur dans les espaces du château, mais permettent aussi une circulation entre ces salles et les tableaux représentés, les motifs représentés. On a une illusion d'absence de frontières. Et dans ce type de page, le visiteur peut s'imaginer à la fois dans la salle en train de regarder une œuvre, il peut s'imaginer dans l'œuvre, c'est-à-dire ici, soit parcourant le champ de bataille, en l'occurrence de Fontenoy, soit regardant lui-même la salle de l'intérieur de l'œuvre. Donc on a plusieurs manières d'envisager en fait la matière de ce qui est présenté à Versailles. Le lecteur peut aussi s'imaginer en visiteur tranquille du musée, observant à distance ces peintures qui sont en fait des peintures sur lesquelles méditer et rêver. Donc on a des images fleuves qui deviennent presque une traduction de ce qu'il pourrait être en train d'imaginer. On a vraiment plusieurs lectures dans ces pages. Je conclus donc. Ces ouvrages posent la question du passage du lieu d'exposition et de mémoire qu'est le Musée de l'Histoire de France au livre illustré. Chez Laborde, le musée s'offre comme l'aboutissement d'un voyage et comme à la fois une matière à réfléchir et à se divertir. Chez Gavard, le musée est le sujet principal, c'est l'objet même du livre. Il s'agit d'écrire un outil officiel de prolonger le musée, donc d'en faire un reflet le plus exact possible. Ce procédé reflète l'essence, ce procédé de, là, comme chez Laborde, mais parfois aussi chez Gavard, d'extraction de la matière des œuvres, reflète en fait l'essence même d'un musée, dont les collections sont des recréations narratives d'événements historiques. Ce sont des auteurs qui essayent de réinventer la matière des œuvres et aussi d'intégrer l'apport du livre illustré romantique, parce que Gavard essaye de produire un outil de travail, un outil aussi qui paraît sérieux, en fait, mais il s'autorise aussi des petites vignettes, ce que je vous avais montré ici. Il s'autorise aussi des vignettes d'esthétique romantique qui, en fait, donnent une certaine, toujours, modernité à son ouvrage. Et je voudrais juste terminer sur une idée qui m'est venue aussi tout à l'heure suite à une question, je crois, ou une remarque. C'est l'importance du texte dans ce musée de Versailles qui est en fait très peu étudié. On étudie souvent les images surtout, mais il y a en effet toutes ces listes. Et puis il y a des cartels, il y a tous ces catalogues qui développent tout un commentaire en fait de ces œuvres. Et la relation entre ce texte et ces œuvres est encore à approfondir, à mon sens. Je vous remercie.